100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après Difool pour La Nocturne, 100% rap français. Il nous vient tout droit du Havre. Comment va? C'est Monsieur Brave. Yes, Fred, écoute, ça va très bien. En forme? Bah, bien, merci. Content, le projet est sorti lundi? Exactement, content que ça soit enfin sorti, parce qu'il y a des gens qui l'attendaient depuis un moment. Et depuis un sacré moment, ouais. Quand même, ouais, on a une première version de cet album qui a avorté, et finalement, on a décidé de repartir sur ce projet. Qu'est-ce qui a avorté? C'est toi? Tu le sentais pas? En fait, je pense que, tu sais, le temps, il passe, j'étais peut-être pas prêt au bon moment. Mais c'est pas plus mal, je pense, parce qu'il y a un titre qui a fini dans l'album de Monsieur Kerry James, donc Post-Scriptum. C'est vrai que t'avais écrit Post-Scriptum. Voilà, mais en fait, c'était un titre de la première version, ouais, de l'album qui a terminé dans le disque, ouais, Dernier MC. Donc, je suis très fier de ça, finalement. Tu regrettes pas de lui avoir laissé, finalement, ce morceau? Non, au contraire, je suis très fier. Je suis même touché de la dernière fois de l'avoir vu au Hip Hop Live, là. Ouais, qu'on avait fait ensemble, là, sur France. C'est la première fois que je le voyais, donc ça m'a fait quelque chose. L'album, donc le projet s'appelle Sous France. Yes. Voilà, le jeu de mots, évidemment, on le comprend. Oui. Toujours signé chez Dean Record, hein, je disais, tu viens du Havre, toujours. Exactement. Parce que l'histoire remonte à loin. Hein. Évidemment, on connaît bien le label via Medine, mais il y a eu aussi Boucher Double. Exactement. À l'époque. Et ben, c'est mon premier album solo. Donc enfin, après plus d'une dizaine d'années dans le mouvement, enfin quoi. Non, mais en même temps, toi, je sais que t'es un mec méticuleux, je sais que tu travailles aussi l'image aussi vachement. Hein, vachement. Quelque chose qui est important aussi pour toi. Complètement, en fait. J'étais à la base l'infographiste chez Dean Records. Ensuite, j'ai commencé à monter une petite structure qui s'appelle Horizon Design. C'est une association qui forme les jeunes dans l'infographiste. Et puis, je me suis mis aussi un peu à la vidéo. J'ai commencé à faire des clips, notamment pour Medine, Tiers-Monde. Et bien voilà, en gros, je reste dans le mouvement à travers différents projets artistiques, que ce soit musical ou alors l'infographie. Et ça me permet de pas me lasser, et c'est peut-être aussi là que je n'ai pas vu le temps passer, quoi. Ouais, ça doit être là, en fait. Voilà, c'est que pour moi, il y avait qu'une semaine. Mais non, en fait, ça a duré. Ça fait 10 ans. Ça, exactement. Bon, on va pouvoir découvrir donc ce projet qui est dans les bacs depuis lundi. On peut le télécharger aussi légalement, hein, je précise, dès maintenant, tout de suite, on peut cliquer. Tout à fait. Sinon, on peut l'écouter directement sur les plateformes Deezer, Spotify. Ouais, en streaming. Exactement. Allez, on découvre un premier extrait maintenant. On y va, on attaque cette nocturne. C'est toi qui prends le contrôle à partir de maintenant. Écoute, Brave. On va se mettre le titre Tyler Durden. Donc c'était le premier titre qu'on a annoncé avec un clip. Voilà, tout simplement, on se le met. Si tu veux, on discute après. Eh ben, c'est parti. Comme tu veux, vas-y. Allez, Tyler Durden maintenant. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. C'est seulement lorsqu'on a tout perdu, qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. J'ai toujours fait ce que je voulais. Dans chaque mal se cache un bien, je m'insolvable, mais fortuné. J'ai les bras de la daronne qui m'accompagne mieux que la mutuelle. Souhaite-moi une mort violente, car pour un leader, c'est une norme naturelle. Est-ce le début de leur fin? Dean Records, c'est du rap d'adulte, pas du rap d'adultérin. Théologiques sont mes principes, heureusement que mon éthique me contient. Je ne prendrai jamais autant de risques sans amour pour l'être humain. Tempérament multiple, Tyler Durden dans mes visions. Mais il prise mon côté pisse, il restera celui de Talion. Je n'attends d'ici pas qu'une chose, que les grands de ce monde retombent à zéro. De voir le chaos, que les banques explosent. Mes Weezer contre Manny, pas KO. Je serai polémique car je suis lucide. Je m'entraîne au tir avec des portraits de politiques en guise de cible. Je préférerais qu'on me donne leur cash que leur pardon. On n'a pas la même notion d'un être cher quand la CAF bloque les prestations. Tellement de rancœur que je serai mort avant de finir de les compter. Sauf erreur de ma part, je ne me trompe jamais. Insoumis, rebelles, multirécidivistes, anti-système sauf les jours de paye. Pôle emploi oblige, je ne pleure pas sur mon sort. Je rigole sur le tien, j'ai peur du vide et plus encore depuis que je connais le prix du plein. Faut dire que nous sommes les premiers fautifs, notre ignorance, notre handicap. Pour voir un mec de test dans un amphi, faudrait y vendre des kebabs. Normal, tout est paradoxal. On ose dire qu'on se sent mal dans nos pompes à 1000 balles. Incendier les langues de bois et bel et bien mon passe-temps préféré. On choisit soi-même sa mort quand on ne choisit pas la fermer. Si l'histoire est écrite par les vainqueurs, ce n'est pas forcément les plus justes. Pour quelques balles de plus dans le chargeur, ça donne pas droit à piller toute la tribu. J'entre dans le rap game comme je rentre à Columbine. Ce n'est pas demain la veille comme Chloral Beck. J'ai comme modèle Souge Knight. 10 contre 1 qu'on retrouve du blond noir. Mon autopsie, ils disent que mon flow découpe. Moi je dis que je rappe comme un tutsi. L'amour ça rend aveugle, l'appétit ça rend méchant. Désolé de vous l'apprendre mais votre nouveau rappeur préféré est blanc. Donc sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut. L'état nous pisse dessus, les médias disent qu'il pleut. Liberté, égalité, fraternité, mon cul regarde ce qu'ils font au clan. Donc je préfère être traité de fils de... Je ne fais que vous imiter, ce n'est pas moi qui est violent. Mais la vision de la réalité, tout schiste n'est pas coulé. J'ai tout fait, donc j'ai tout fait. Dis merci s'il vous plaît, mais toujours rien à bouffer. Y'a pas de pire ennemi dans ce monde que ceux dont on est proche. Je veux juste apprendre à remplir le cœur avec le vide que j'ai dans les poches. Diviser pour mieux nous régner, nos quartiers ont tellement de noms différents. Parfois je fais du bien, je crois, mais je crois du mal bien plus souvent. L'avenir n'appartient pas à ceux qui vont se lever tôt, mais à ceux qui ont le veto, boy. Plus je connais les hommes, plus je fais confiance à Smith et Wesson. Que le ciel me pardonne, je voulais être bon, mais bon, personne ne vendait d'auréole, c'est con. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Je le sais parce que Tyler le sait. Yeah. Je le sais parce que Tyler le sait. Brave. Prolo. Souffrance. C'est la nocturne avec Brave et donc ce morceau qui s'appelle Tyler Durden, référence au film, enfin au personnage de Fight Club. The Fight Club, exactement. Donc, pour montrer un peu le côté anticonformiste. Anticonformiste, mais c'est surtout les deuxièmes facettes, parce que dans l'album, quand on écoute, et je pense même ce soir, on va se rendre compte que Brave, c'est pas une seule ligne, c'est pas forcément du rap. Je peux me mettre à chanter demain, ouais, aussi bien sur d'autres morceaux. Et donc c'est montrer aussi qu'on est à la fois singulier mais pluriel en soi. Même tout le monde, on a tous une face cachée, et ma face, moi j'ai une face un peu militante, un peu révoltée, mmh, une face beaucoup plus pas posée mais un peu plus calme, mais voilà, un peu plus sentimentale peut-être, mais avec aussi de la révolte en moi. Et que tu tiens de d'où cette révolte, voilà, ce côté un peu révolté, c'est Je pense que je le tiens de famille, ça. C'est vrai. Ouais, j'ai c'est une longue histoire dans la famille. Ouais, exactement, c'est une famille d'ouvriers, mmh, dans la ville du Havre. C'est des conditions sociales difficiles, c'est un peu un aspect général. Aujourd'hui, on est tous un peu révoltés contre quelque chose. Mmh. Moi, je me révolte contre les inégalités, surtout. C'est ce qui m'importe, c'est que demain, on se rend pas compte, il y a des gens qu'on n'entend pas, qui sont silencieuses, et j'essaye de porter ma voix pour eux, pour elles. Quoi. Même aujourd'hui, tu as toujours même, ça. Même aujourd'hui, moi, je suis indigné quand une personne mange pas à sa faim, quand, mmh, une personne dort dehors. Tu vois, tout à l'heure, je voyais des gens faire la manche. Moi, ça me fait mal, ça me fait mal. Mmh. Je dors tranquillement à la maison. Voilà quoi, c'est ouais, t'as du mal à comprendre, surtout dans la société dans laquelle on est. Voilà, je comprends qu'il y ait des situations difficiles, mais je comprends pas qu'on puisse ne pas au moins s'arrêter discuter avec ces gens-là. Tu vois, c'est même la dernière fois, je réfléchissais, je me suis dit, mais attends, je connais même pas le nom de mes voisins. Enfin, je connais mes voisins proches, mais dans mon immeuble, il y a des gens que je croise tous les jours, je leur dis bonjour, mais je connais même pas leur nom, je sais même pas ce qu'ils font. Et ça, c'est on se renferme sur nous-mêmes aujourd'hui. Ouais, tu rentres, tu fermes la porte et basta. Voilà, on est dans notre monde, voilà, chacun sa vie, mais je trouve que c'est pas bien, ça, c'est de l'égoïsme. concrètement. Et ben on va pouvoir découvrir aussi cette révolte qu'il y a dans l'album qui est sorti lundi, Souffrance, l'album de Brave, avec aussi des images. C'est vrai ce que tu disais, qu'il y a le côté rap, mais le côté hors rap, et même ça se voit aussi vachement sur les images. Quand on voit tes clips, surtout les récents, on peut pas dire. Alors j'ai pas vu celui éclaté, il y en a un qui est arrivé il est arrivé hier, mais j'ai pas encore vu celui-ci. Mais celui que t'avais balancé pour Souffrance, c'est tout sauf un clip de rap, quoi. Enfin, ça l'est aussi, mais. C'est vrai qu'il y a aussi une autre recherche, quoi, aller un peu plus loin. Bien, ouais, je pense que ça, c'est dû à mon comment ça s'appelle, à ma culture cinématographique. Mmh. C'est plus, je regarde pas des films de rap. Tu vois, je regarde des films qui m'emportent dans un univers. Je suis très fan de Stanley Kubrick, de David Fincher. J'aime beaucoup ces univers-là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la musique, il faut aussi donner en image, parce que c'est pas seulement un CD qu'on vend, c'est toute une imagerie, c'est tout un univers qu'on essaye de développer. Et voilà, il fallait que je me lance. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir un label qui me donne carte blanche et d'accepter mes choix. Mais j'y vais, quoi, j'y vais à fond. Et ben, on en parlera justement du label, la façon dont t'as débarqué avec l'équipe d'In Record. On y reviendra dans quelques minutes. Mais là, on va aussi se replonger un petit peu dans le passé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est Julien. Ouais, Julien qui veut intervenir. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Non, je m'incruste parce que d'ailleurs, il y a un des réalisateurs forts du label en ce moment qui est autour de la table, qui s'appelle Florent de France, et qui a signé Tyler Durden, L'Arche, Jeu de cette famille. Et exactement. C'est un mec qui a de l'avenir dans ce game-là, comme on dit. Julien, n'hésite pas à intervenir et saluer. Il a raison, faut préciser, c'est que il y a l'image, elle est gérée par ce grand bonhomme là qui est là, et vraiment c'est important. Il a réussi à comprendre où je voulais aller. On donne des clés, il construit la maison, il fait tout ce qu'il veut. Et ben, bienvenue aussi à toi, Florent. Voilà, il parle pas beaucoup, Florent, lui. Non, c'est l'image. C'est Florent son prénom, c'est pour ça qu'il parle pas. J'avais un micro branché. Voilà, tu peux dire un petit mot, ça va? Ouais, ça va. En pleine forme, bien. Merci beaucoup. T'as une idée de clip là ce soir, un truc à faire, non? On va clipper tout l'album, là. On va okay. essayer de faire ça ce soir. Ah bah écoute, bon courage à vous. Merci. Et là, non, je disais, on va évidemment parler du label, mais on pourra revenir sur l'image aussi tout à l'heure, mais on va revenir quelques années en arrière, même si le morceau est récent, mais avec ton compère. Mon compère, mon double. Ton double? Exactement, en fait. C'est mon ami Tiers-Monde, mon frère, tout ce que tu veux, qui a sorti un projet qui s'appelle Toby or Not Toby en mai 2014. Mmh. Et ce soir, comme c'est ma nocturne, je me suis dit, bon, j'aimerais lui passer le coucou. Et voilà, je voulais mettre un de ses morceaux qui s'appelle Toby or Not Toby. Il y a eu un très bon retour et je voulais en faire profiter les auditeurs, tout simplement. Et bah allons-y. Monsieur Tiers-Monde. Toby or Not Toby. Toby. Es-tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres jazz. Je suis dans le même jazz. Plus d'esclaves, uniquement couleur ébène. Ils sont noirs, blancs, jaunes, loin du jardin d'Éden. Yep. Yep. Moi je suis dans d'autres jazz. Et tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres jazz. Je suis dans le même jazz. Est-ce que c'est fini, oh merde? L'esclavage devient moderne. Sont les fouets et les chaînes dans les têtes, plus dans les abdomens. Les champs de coton sont des prisons de béton, des HLM. Les esclaves sont chômeurs ou smicards ou célèbres. Paraît que c'est la même oblède, capitale qui nous obsède. Obsédé parce qu'on possède, est-ce ces choses qui nous possèdent? Méfie-toi de ce que tu souhaites, un bonheur amène des problèmes. Ironiquement, dans le désert, ça sert à dalle une femme fontaine. Yep. Yep. Moi je suis dans d'autres jazz. Et tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres jazz. Je suis dans le même jazz. Une syllabe sépare Zemmour et Amour. Mon quartier est un logiciel, mon album est sa mise à jour. Esclave de Meshab, on s'engraine, on parle mal, on devient méconnaissable. Je fous que dalle avec Meshab, comme si on n'avait pas de nerfs. On parle mal de toutes les femmes, comme si on n'avait pas de mère. Soumis si tu te soucies de ce que va penser ton poteau. Si tu ne portes pas de Gucci, est-ce qu'il va cracher dans ton dos? Moi je suis dans d'autres pièces. Et tu esclave ou maître? Moi je suis dans d'autres pièces. Je suis dans le même pièce. Suis-je maître de mes sentiments? Amour, haine, colère, déception, passion, colère, affection, compassion, rancœur, aversion, colère. On ne s'aime pas, renseigne-toi, on s'écarte, on ne s'enterre pas seul, c'est pour ça qu'on se tolère, Je perds le contrôle, après tout, c'est la même, j'ai décidé de faire la guerre aux autres pour être en paix avec moi-même. Des sentiments, ton esclave, un minimum. Moi, je crois bien que j'aurais réagi comme Brad Pitt dans ses fun. Mais je suis dans d'autres caisses. Et tu es esclave ou maître. Moi je suis dans d'autres pièces. Je suis pas dans d'autres pièces. Je suis devenu insensible au sang versé des clones. J'ai pas de gilet pare-balles, j'ai le versé du trône. Calme, t'es défoncé ou shitman. Tu bédavoues, tu bicraves. T'es maître ou bien t'es esclave. T'es Heisenberg ou Pinkman. Ouais, t'avais des principes quand t'as commencé à dealer simple. Maintenant tu bicraves de la coke à des gosses, à des femmes enceintes. Comme tout le monde, tu pensais pouvoir gérer. Maintenant t'allumes un spliff avant même d'avoir déjeuné. Yep. Yep. Mais je suis dans d'autres dièses. Et tu es esclave ou maître. Moi je suis dans d'autres dièses. Et tu es esclave ou maître. Moi je suis dans d'autres dièses. Et tu es esclave ou maître ou chaud. La mémoire, la mémoire, la mémoire courte comme la vie, je te le jure, je suis choqué. Dans des chaînes au cou, nos ancêtres, ils avaient au pied. Pour après les mêmes choses, une belle pièce, une belle femme, de belles sables, la doudnia dans la tête, on sera maître ou esclave. Affranchi ou soumis depuis des années, années. Est-ce qu'on est damné, damné? Chaîne de fer au poignet, poignet. Des esclaves, si les médias pensent à ta place, veulent faire passer pour une nonne. Katsuni, tabat, ta cache, confond les victimes et les prêtres. Les sentiments, les centimètres. Je capte nomme sans idole, le tout puissant est mon maître. Ici, être ou ne pas être, l'oseille fait tourner la tête. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent reste un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je rappe de toute chose, mais je reste insoumis capiche. Compris, tant que l'enfant du pauvre bouffe moins bien que le chien du riche. Tout ce que je dis sort de mon iris, mon seum ressort que dans mes disques. Les plaies des fouets des colons cicatrisent, mais jamais ne guérissent, hein. La beauté et la jeunesse ne sont que temporaires. Passe de mannequin retraité selon le fuseau horaire. Es-tu soumis au mytho? Ornotobie, as-tu gardé de l'autonomie? Es-tu maître de tous tes hobbies? Y'a ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Y'a les hommes forts, les maillons faibles. Moro polo. Ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Immobile, on ne sent pas nos chaînes. Toby, Ornot, Toby, Moro polo. rien que quelqu'un se sacrifie. Donc j'avance avant qu'il me tente d'en finir avec nous. Où est la chance? Elle se fait attendre parce qu'il est temps de combler le manque. Et qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Donc j'avance avant qu'il me tente d'en finir avec nous. Où est la chance? Elle se fait attendre. Faut s'enfuir ou les suivre. J'ai pris la voie qui défile. Que docile je le suis parmi de ceux qui résistent. Agressif, lyriciste, parce que la vie ne s'en prive pas. Destructrice, mes envies, la mort et mon chant lexical. Chez moi tout est crédible, avec l'orgueil je lésine pas. Plus j'ai mal, plus j'écris, plus j'écris, plus je mitraille. Abandon impossible, courber les chines, je ne sais pas. Allergique aux offices, aux politiques et aux flics. Crache la douleur infinie, des mini, des miskines. À des grandes villes, aux petits villages, je me dois à l'impossible. J'ai dû être roi dans une autre vie, je suis pas fait pour être si. Bam, t'attends pas pour du fric, à me voir baisser le slip, bar. Je connais mes droits sur le bout du troisième doigt. Ceux qui ne m'aiment pas auront de bonnes raisons cette fois. Ce que j'en pense, la même chose qu'un LK. C'est simple, ouvre-toi, sinon je sors la clé de bras. Nous sommes ce que les bons lieux font, Dieu ce que les allumés brisent. Des larmes de feu dans les yeux, j'en ai des litres. Chante l'amour d'une autre façon, faut que je t'aime, c'est nos cris. Témoigne l'ampleur de ce mal qui nous habite. Puisque la souffrance ne s'explique pas, mais qu'il faut la vivre pour comprendre qu'on s'est noyé dans la bise. Garde ton bonheur, on s'en va ici. La rue me tue, toi, mais te tue, toi. Banlieusard, tu vois, je pourrais pas descendre plus bas. J'ai l'humour noir pour l'art. Je suis tous les mois le rappeur du mois, pourtant je suis plus là. Indépendant, hors des tendances, je fais les singles avec des cendres. Si les plus forts se servent de voile, les plus faibles servent d'offrande. Ma liberté loin d'être à vendre. Si les derniers seront les premiers, pourquoi devrais-je attendre? Le refus éclairé net, ose retirer le vent de ma bouche. Criblé de balles ou de têtes, reconnais ça parmi tous. Tendre la main à tes clefs, je préférais même qu'on me la coupe. Tu peux te faire pousser les becs, ça te fera pas pousser les couilles. Nous sommes ce que les bons lieux font, mieux ce que les allumés brisent. Des larmes de feu dans les yeux, j'en ai des litres. Chante l'amour d'une autre façon, faut je t'aime, c'est nos cris. Témoigne l'ampleur de ce mal qui nous habite. Puisque la souffrance ne s'explique pas, mais qu'il faut la vivre pour comprendre qu'on s'est noyé dans la pisse. Garde ton bonheur, on s'en va ici, le nôtre est assis. C'est tout, on nous étouffe et le diable cohabite. Parce qu'il est temps de combler le manque, et qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Donc j'avance avant que d'en finir avec nous. Où est la chance? Elle se fait attendre parce qu'il est temps de combler le manque. Et qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Donc j'avance avant que il ne tente d'en finir avec nous. Où est la chance? Elle se fait attendre. Bravo. Prolo. Yes. C'est la nocturne avec Brave au contrôle et un extrait justement, un morceau qui s'appelle L'Arche. Hein. C'était le clip dont je parlais tout à l'heure qu'on peut aller mater aussi, celui-ci. Celui-ci aussi. En fait, ce soir, je t'ai fait une petite sélection des titres qu'on a clippés. Ouais. Donc ils sont dispo, qu'on peut mater aussi. Et puis surtout, c'est pour ne pas choquer directement, je préfère arriver avec un titre un peu de connotation rap et puis amener les gens doucement vers un autre univers. Donc ce soir, c'est pas une mais deux nocturnes en même temps. Et c'est ça, ouais, c'est deux nocturnes en une, en fait. C'est le concept de Brave. Voilà, j'amène les gens dans un autre délire avec nos soirées. L'album Souffrance qui est dispo depuis lundi, un album qu'on vous conseille évidemment. Et juste, je disais il y a quelques minutes, on va revenir évidemment sur ce parcours, sur Dean Record. Toi, à l'origine, c'est vrai que à l'origine de Dean Record, il y a un groupe, hein, qui est La Boussole. Yes. Bon, en fait, le toi, t'as quel âge à ce moment là c'est la rencontre à ce moment là je crois que j'ai 14-15 ans. Ouais. 14-15 ans. Je rencontre Tiers-Monde au collège. Medine, je le connaissais déjà en primaire. Après, les beatmakers, c'est mes frères. Donc, Alassane Salsa qui était qui est le gérant d'In Records aussi, c'est un grand du quartier, enfin un grand enfin il a quelques années de plus que tu moi. Tu peux pas dire qu'il est vieux, c'est ça en fait. Non, c'est... je peux pas dire qu'il est vieux, c'est il est pour grand. Ça. Il est grand ouais. Il est grand. Il a un sage, on pourrait même dire. Voilà. Et donc on est une équipe d'amis d'enfance qui avons grandi ensemble. Au départ, on faisait du rap pour nous et puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à rapper pour les autres et puis et voilà quoi. Il y a le label d'In Records qui naît aussi donc. Le label d'In Records naît officiellement en 2004, mais bien avant on était déjà ensemble. On avait un autre nom. Et voilà quoi, de fil en aiguille, on est sorti le groupe Nécessité. Donc le groupe Nécessité dont Salsa et mon frère Prof. Ensuite on a sorti un premier volet de La Boussole. Ouais. La Boussole c'est le nom d'In Records tout simplement. Ouais, c'est le nom d'In Records, ouais. C'est que tous ensemble on s'appelle La Boussole. Mais c'était trop confus, d'In Records. Alors d'In Records, attends, même pas. Brave de Boucher Double de La Boussole du label d'In Records. Wouh. Le bordel quoi. Ah ouais, c'est même plus un nom africain, c'est fils de tu vois. C'est un nom à rallonge. Ah là, c'est et donc on a préféré faire simple, La Boussole c'est entre nous on s'appelle comme ça mais c'est d'In Records. Quand je viens, je me présente, c'est Brave de d'In Records. Voilà, d'In Records donc avec évidemment tu disais Medine hein, qui a porté aussi le label. Yes. Et puis voilà, et puis la volonté aussi de faire un travail en indépendant donc de faire beaucoup de kilomètres. C'est de la volonté aussi, oui, mais c'est surtout du dépit, tu vois, c'est on arrive du Havre, on est une équipe de provinciaux, on essaie de faire du rap, on travaille, ensuite on fait comme on peut, tu vois. Mm-hmm. On fait comme on peut après c'est vrai que les gens connaissent beaucoup Medine parce qu'il a une carrière avec des albums beaucoup plus exposés que les nôtres. Mais je crois même qu'en 2006, à la Nocturne, on était pas mal placé avec Boucher Double et le son En Ton Nom. Je me souviens, oui, de cette Nocturne avec beaucoup, beaucoup de monde. Tu nous as pas mal boosté, je me rappelle qu'à cette époque. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content de revenir te voir, presque 8 ans après quand même. Bon, on s'est recroisés quand même. Quand même, on s'est recroisés, on s'est vu vieillir. Ou devenir sage. Surtout toi. Bon, on va repartir sur une petite sélection de l'album. Ouais, on va se faire le morceau Souffrance. Souffrance. C'est le morceau éponyme de l'album. Tiens, je vais tester après si tu reconnais un peu l'univers de ce morceau. Okay. Toi, ça doit te toucher, en tout cas, je pense que tu connais. Et puis, si on enchaîne, on va enchaîner avec le son avec ma copine Ladea. C'est le son de cette famille qui est sorti. Et le clip qui est arrivé, ouais, le clip est arrivé hier. Exactement. Allez. Hurlements ne suffisent plus. Certainement. C'est nos idées qu'on brûle. Évidemment. Ils aimeraient qu'on s'entretue. Finalement. Ils ne seront pas déçus. Si seulement. Nos plaies pouvaient être entendues. Et nos déchirements. Apaisés d'un salut. C'est fièrement. Que je porte nos blessures. Suffisamment. Nombreuses pour en faire ma lutte. Même si glissante est la pente, je rapperai autant qu'il nous mente. Avec la rancœur dominante et mon côté militant. Face aux Goliath dirigeants, les politiciens délinquants. Notre actuel président, aussi inconscient qu'arrogant. Ses pantins du gouvernement, de la gauche droite ou du centre. Sans aucune différence, puisque les pourris se ressemblent. Le patronat et l'argent qu'ils détournent impunément. Les bénéfices, les dividendes qu'ils se partagent. Évidemment l'économie et son bilan, cette logique du rendement. Les parachutes d'Orican s'écroulent. Monde de la finance contre l'ordre trop oppressant, du procureur aux agents de police, en passant par tous ces cow-boys du dimanche, les élites soi-disant intellectuels qu'en apparence et donneurs de leçons sans licence, débilité par excellence, face aux raquettes à outrance de notre cher pays de France. TVA, redevance, impôts si tu as de la chance, la bourgeoisie insolente, l'inégalité grandissante, le racisme lui augmente, l'extrême droite remplit ses rangs. Le constat est alarmant, pourtant ici rien de dérangeant, donc on a de quoi se consoler. En consommant de plus en plus grand face à la routine insistante, métro, boulot, autant de choses qui poussent à l'isolement dans le quotidien, en tourment contre l'offre et la demande, le business de l'armement, le maintenir le sous-développement et le meilleur rendement. Étrange coïncidence, on se délocalise entre temps, suicide et licenciement font de nombreux prétendants, tout s'achète et tout se vend, on se donne et on se prend, la fin du monde a de l'avance, le diable mène la danse, utopie, inconscience, la morale a peu d'importance. Avec deux, trois billets de banque, les principaux de l'OCAN. Me demander ce que j'en pense, je risquerai certainement d'être vulgaire, rassurément, car je sais pas dire merde poliment. Tu sens, tu veux mon mal, je sens plus à toi. si nos idées qu'on brûle. Évidemment, ils aimeraient qu'on s'entretue. Finalement, ils ne seront pas déçus. Si seulement nos plaies pouvaient être entendues. Et nos déchirements apaisés d'un salut. Fièrement, que je porte nos blessures. Suffisamment nombreuses pour en faire ma lutte. Je crois que d'un cerveau il nous manque, car on désaccord trop souvent. Au lieu d'être outré violemment, on acquiesce gentiment contre les médias qui font l'audience avec la peur à tous les temps. Ce qui est étrange nous dérange, et les étrangers bien avant, contre tous ceux qui nous vendent du rêve quand il faut de la viande. En faisant croire à nos enfants que se foutre à poil est la tendance, contre le sexe omniprésent, la pudeur en décadence. La fille n'a même pas 8 ans, le string lui va déjà comme un gant. Contre l'excès, l'accoutumance à l'alcool, au shit, à la planche, qu'on trouve plus facilement qu'un emploi. Honnêtement, y'a de quoi se poser des questions, non. Où sont placés leurs bien-pensants? Vos règles sont-elles que du vent? Qui de nous est le plus tolérant? T'es barbu, donc t'es taliban. T'es noir, toi, reste sur le banc. T'es juif riche, sûrement. T'es blanc, un raciste, forcément. Cliché sur cliché, autant de réflexions humiliantes qu'on encaissera. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que coule le sang, lucide ou pas? Souvent, je me demande, suis-je le sujet d'une expérience? Quand j'additionne et recense le nombre de choses qu'on nous planque, cette vérité te dérange, mais c'est bien ceux qui t'attendent, soit debout, soit sur le vent, mais faut choisir à un moment. Celui qui ne connaît pas le sien, puisqu'il s'est fait la belle. Fils unique au parcours singulièrement complexe, la discipline des hommes d'église a fait de lui un croyant plus que perplexe. Limite anarchiste solitaire, préfère perdre le combat que de faire marche arrière. Mauvaise pioche, la suite miracle de mal en pire. Pour s'en sortir, il sera forcé de prendre la mer à tout juste 14 piges. Un apprentissage qui enseigne que le comble des marins, c'est se noyer dans un verre de clan Campbell. S'il y a des raisons d'être caractériel, je comprends mieux d'où vient cette colère éternelle. Refrain. Je me fous bien de là où me mène. Je veux savoir où je suis parti. Oh. Dans la famille Bravo, je voudrais la grande sœur. Elle qui a vu sa mère se battre pour de grandes œuvres. Elle qui aurait pu saisir sa chance. Mais elle a tendance à croire que c'est un combat perdu d'avance. Elle sait que le monde est plus beau quand on s'aime. Elle est passée de la crise d'ado à celle de la quarantaine. S'il y a des raisons d'affronter la vie de manière si peu sereine, comprends d'où vient cette impression d'être seule face à moi-même. Refrain. Je me fous bien de là où me mène. Je veux savoir où je suis parti. famille bravoure, j'aurais voulu l'aîné des fils. Génération YouTube, Bob Marley, Police, stéréotype machiste qui se la joue relou à tout va. Sauf que derrière chaque grande gueule se cache son opposé qui n'ose pas. Atteint par le syndrome du rejet, faire du mal aux autres avant que ce soit l'inverse semble leur assurer. S'il y a des raisons d'être aussi cruel, je comprends mieux d'où vient cette méchanceté habituelle. Refrain. Je me fous bien de là où tu me mènes. Je veux savoir où je suis parti. Dans la famille bravoure, j'aurais voulu le second garçon. Orgueilleux sans fond, insociable avec mention. Pense du mal de tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. S'il te sourit, méfie-toi, c'est sûrement en pensant au coup qu'il peut te faire. Obscur. Un pléonasme, bien plus d'amour, c'est sûr, dans une lettre de menace. S'il y a des raisons d'être aussi odieux, je comprends mieux d'où vient cette part de moi si ténébreuse. Preuve. Je me fous bien de là où tu me mènes. Je veux savoir où je suis parti. Dans la famille bravoure, j'aurais voulu le dernier né que l'on surprotège de peur qu'il prenne les mêmes voies de merde que ses aînés. Autant d'efforts qui laisseront des traces, car c'est en recouvrant le feu qu'il s'éteint hélas. Coincé dans son Truman Show, le monde vu de sa bulle est à des kilomètres d'une autre. S'il y a des raisons d'être aussi lunaire, je comprends mieux d'où vient cette envie de quitter cette terre. Refrain. Je me fous bien de là où tu me mènes. Yeah. Je veux savoir d'où je suis parti. Yeah. Dans la famille bravoure, je voudrais la mère. Elle qui a créé ses propres règles pour qu'on ne puisse pas jouer avec ses rêves. Elle a le cœur sur la main sur le cœur. Doyenne d'une fratrie de 11 frères et sœurs, elle connaît le partage mieux que n'importe qui. Si elle avait la clé du bonheur, elle t'aurait fait un doux pour ton porte-clé. Dans ce monde où personne ne se fait de cadeau, où tout le monde veut le fric, elle pourrait construire un château avec une seule brique. Là où les paroles s'envolent comme des ballons de baudruche, elle a rejoint les bénévoles de la cantine de Coluche. S'il y a des raisons de donner, autant s'en recevoir. Je comprends mieux d'où vient cette partie si généreuse en moi. Refrain. Je me fous bien où la route me mène. Je veux savoir où je suis parti. Oh oh. Je me fous bien où la route me mène. Je veux savoir où je suis parti. Oh oh. Brave souffrance. Pour ceux que qui serait intéressé, le clip est sorti hier. Brave feat la DA, ça s'appelle Jeu de cette famille. Donc n'hésitez pas à aller sur les Facebook et puis sur YouTube de Dean Records, vous pouvez voir le clip et d'autres clips aussi qui vont qui accompagnent l'album. C'est le seul featuring sur l'album la DA. Oui, tout, ouais, tout à fait. Avec la famille Bravoure. Oui, en plus c'est, ce qui est drôle c'est que c'est vraiment ma famille que je parle. C'est, ouais, chaque, c'est vraiment des membres de ma famille et elle a super bien joué le jeu parce que en fait c'est j'ai dû lui expliquer un peu ma vie pour qu'elle puisse parler de ma sœur, lui parler de ma mère. Donc vous êtes 11 si je comprends bien dans la famille, enfants. Non, on est pas. Ah bon, 11. Parce que je me disais rien. Non, il y a beaucoup il y a beaucoup de couplets, on est une famille nombreuse quand c'est même. Famille nombreuse. Ah oui, quand même. et je trouve que ce morceau ensemble en tout cas moi ça me fait quelque chose quand j'entends, peut-être parce que c'est ma famille, mais beaucoup de gens vont se retrouver dedans quoi. Jeu de cette famille et le clip est donc dispo. Yes. Et auparavant on a mis Souffrance, tu voulais faire un petit jeu avec moi ou pas? Non, tu je voulais juste te demander si t'avais retrouvé un peu le titre parce que c'est un célèbre sample très connu même. J'aurais dit Nirvanesque, un truc de Nirvana. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est yes. Le Smell Like Teen Spirit, ouais, c'est yes, ça. C'est ça. Ouais, c'est bien, Fred. Ouais, écoute, c'est. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai que, bah, surtout à la fin, le petit clin d'œil aussi au refrain m'a vachement aidé. Mais même, c'est vrai que le son depuis le début, je me dis, merde, c'est vrai que je connais ce son, ce truc. Il y a une ambiance particulière, en tout cas. Ah, toi, ça fait partie des choses que t'as écouté en rap aussi, Nirvana. Bon, moi, j'écoute tout. T'écoutes beaucoup de choses. Ça s'entend d'ailleurs quand on voit là, tu chantes d'ailleurs sur ce morceau, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a plein d'influences en tout bah, cas. Bah, vraiment, c'est peut-être ma particularité chez Dean Records, c'est que je suis bercé de musique en tout genre. Tu vois, je suis un enfant du rock par mon père, je suis un enfant de la chanson française par ma mère, donc j'ai aussi ça en moi et bien ouais, il y a des choses qui me touchent. Je me rappelle des dimanches avec papa, maman devant. devant Renault. Ouais, exact. Donc tu vois, ça attrape des souvenirs. Marque. Et puis ça marque. Et puis et voilà quoi. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs la famille, le fait que tu sois parti dans ce côté musical et le rap en particulier, c'était bien accueilli au début ou ouais. t'avais le frangin, c'est ça, qui faisait du son? Il y a le frangin qui fait du son, ça m'aide. Ça va. Je pense que les parents en général, quand leurs enfants font autre chose que des bêtises, ils encouragent. Donc j'ai de la chance de ce côté-là d'avoir des parents qui sont géniaux. Brave avec nous sur Skyrock, c'est la nocturne de Brave. On va repartir sur l'album encore, Brave. On va partir sur l'album. Donc là, on va passer des sons d'une autre couleur, c'est un peu plus calme, ça reste, enfin je sais plus, les gens ils même n'arrivent pas à définir si c'est du rap, c'est du, qu'est-ce que tu fous en fait, tu vois, donc mais ça s'appelle I Hate Love, ouais. Et est-ce que tu veux enchaîner le deuxième ou on se fait une pause entre deux, ou... comme tu veux, on va le sentir, on balance déjà le I Hate Love, ok, on voit ce que ça donne, envoyez des messages, réagissez avec le hashtag Skyrock, poursuivre aussi toi Brave sur les réseaux sociaux, donc il y a Facebook, moi en fait je suis très très réseaux sociaux, je réponds à tous les messages, enfin j'essaie de répondre à tous les messages, c'est en même t'as temps du courage, non surtout j'ai le temps, on va dire que t'as le temps, ouais, envoyez-moi et le jour où je suis débordé c'est plus moi qui réponds, c'est Julien. Attention, intervention de Julien, excuse-moi. Mais Julien, il faut que tu appuies sur le bon bouton à chaque fois. Parce c'est quoi le bon bouton ça c'est... Je gère, laisse tomber, c'est pas grave, bon. Te prends pas la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook Brave et inonder sa boîte de messagerie. Le but, depuis quelques jours, c'est de la faire saturer en fait. Ouais, bah allons-y donc, alors. Voilà, donc, c'est quoi? Il y a Brave officiel ou non? Brave tout c'est court Brave Dean Records, donc ça c'est Facebook. Ensuite, sur Twitter, c'est Brave World. Donc je me suis fait un petit truc, le monde de Brave, donc les gens qui rentrent un peu dedans comprendront. Ça s'appelle Brave World et sur Instagram pareil, voilà quoi. Et bah allez cliquer, allez chercher Brave et faites-lui péter ces différentes boîtes. Allez-y, c'est le petit jeu ce soir. Ouais, merci les gars. Nocturne avec Brave, I Hate Love. Yeah. Souffrance, c'est dans les bacs depuis lundi. Je n'aime pas la paix, ce n'est pas assez rentable. Je n'aime pas la guerre, pour autant ce n'est jamais le bon qui gagne. Je n'aime pas ce qui est beau, ça m'incite à le détruire. Je n'aime pas les promesses non tenues, c'est les seuls que je sais tenir. Je n'aime pas mon reflet dans le miroir, j'ai l'impression de voir mon père. Je n'aime pas mon père, j'ai l'impression de revoir partir ma mère. Je n'aime pas les silences, ça m'oblige à me taire. Je n'aime pas les amis flatteurs, je préfère les ennemis sincères. Je n'aime pas mon amour propre, il m'empêche faire de l'argent sale. Je n'aime pas les reproches parce que j'y vois la profondeur de mes failles. Je n'aime pas les insultes de peur, qu'ils sachent tout bien que je pense d'eux. Je n'aime pas l'amour, ça revient cher, les frais de baveux. Et si le cœur ne servait-il qu'à pas sans tous les sentiments, aimer ensemble nous. Je n'aime pas la haine, c'est la colère du faible. Je n'aime pas les prises de position, elles deviennent prises de tête. Je n'aime pas les anniversaires, plus je vieillis, moins y'en a. Je n'aime pas le diable, il a bien trop de followers. Je n'aime pas la liberté, autrement dit qu'on fixe des limites. Je n'aime pas leur laïcité, mes principes sont pudiques. Je n'aime pas la pluie car je les vois pas lorsqu'ils pleurent. Je n'aime pas leur faire de confidence, j'ai l'impression d'aller au keuf. Je n'aime pas les enterrements vu que je pourrais pas être l'un au mien. Je n'aime pas qu'on m'aide, ça pourrait savoir que j'en ai besoin. J'aime pas sourire, ça me donne l'air triste. Je n'aime pas faire de choix, est-ce que je dois emprisonner mon libre arbitre. Je n'aime pas l'espoir, de peur de vivre longtemps. Je n'aime pas avoir raison, ça arrive bien trop souvent. Je n'aime pas l'alcool, ça pousse à dire des vérités grinçantes. Je n'aime pas dire je t'aime depuis que je ne sais plus faire semblant. Et si le cœur ne servait-il qu'à pas les filles facile. C'est dur à entretenir, je n'aime pas qu'on me félicite. Ce n'est pas avec des mots que je paye les crédits. Je n'aime pas qu'on me demande si ça va. Je ne sais pas dire non. Je n'aime pas les gens intègres, ils sont trop peu pour changer le monde. Je n'aime pas la télé, ça me donne souvent le mal de merde. Je n'aime pas les contraintes, ça me pousse à faire le contraire. Je n'aime plus mon corps, je sens doucement qu'à son tour il me lâche. Je n'aime pas les longs discours, je préfère être une petite frappe. Je n'aime pas être heureux, j'ai peur de m'y habituer déjà. Je n'aime pas la méchanceté, on ne peut pas être plus de au même endroit. Je n'aime pas ma fille parce qu'un jour elle aimera à son tour. Je n'aime pas ma femme car je pourrai jamais lui donner autant d'amour. Et si le cœur ne servait-il qu'à battre, aimer ensemble. Servait-il qu'un autre? Aimer ensemble, nous encore capables. Et si le cœur ne servait-il qu'un autre? Aimer ensemble, nous encore capables. I hate love. Mondialisation rime avec néocolonial, banlieue, ouvrier, usine, c'est le triangle commercial de notre temps. Thank you. putain. Auront-ils eu raison du nombre? Les consciences finiront-elles à l'ombre? Les valences seront-elles que des nombres? L'être humain, ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui le traversons. Souffrance. Yeah. N'oubliez pas, c'est dans les bacs depuis lundi. Donc venez. Venez, on s'écoute ensemble, tranquillement. Et au pire des cas, ne l'achetez même pas. Juste venez écouter. Juste. Merci. C'est la Nocturne 100% rap français avec Bravo Contrôle de la Nocturne. Yes. Et ce morceau qui s'appelle Les Temps Modernes. Les Temps Modernes. Donc voilà, c'est un morceau qui vient en fin d'album. Donc on est passé du rap ordinaire, enfin du rap, à une autre partie, une autre facette de mon identité. Quelque chose que t'apprécies aussi, donc si tu l'as complètement, sur l'album, complètement, que j'assume tu complètement. Tu te sens bien, ouais. Ouais, c'est complètement assumé, c'est complètement moi. Je pense. En fait, le fond est resté le même, seulement la forme est différente. Et ça, j'aime prendre des risques dans un milieu différent, peut-être. C'est ce que t'as envie de faire aussi par la suite, peut-être un peu plus chanter ou voilà, toujours rester quand même avec ce côté un pied dans le rap. Je me forcerai pas à chanter. Si le morceau mérite d'être chanté, je le chanterai. S'il faut rapper, j'irai rapper. S'il faut faire des claquettes, je ferai des claquettes. Pas mal aussi, ouais. Castagnettes, tout. Mais je me forcerai pas. Je suis pas du genre à aller. Pousser, attends, faut que ça rentre, fais-moi un refrain. Non. Si demain je considère que ça mérite, je le ferai, j'essaye. Sinon, si je sais pas le faire, j'inviterai des gens peut-être à le faire. Et est-ce que écrire pour les autres, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse? Tu l'as fait, on le disait là, en début d'émission avec Kerry. Bien, c'est. L'écriture, elle a été malgré moi, mais c'est une bonne expérience. Je trouve que d'arriver à retranscrire des choses, des sentiments d'une personne dans une chanson qui ne t'est même pas destinée, ou alors que tu ne sortiras pas toi. Je trouve ça intéressant, le challenge il est intéressant. Après, pourquoi pas, je suis preneur. Ouvert, exactement. L'album en tout cas s'appelle Souffrance, on le découvre encore avec un dernier morceau avant de se quitter pour ce soir, yes, Brave. Exactement. Un morceau qui lui par contre fait partie du début de l'album. Du début de l'album, donc c'est le titre Âme. Alors je sais que pour certains, Âme ça veut dire jambon. Jambon, c'est en anglais, ouais. Mais en fait quand on dit jambon, c'est un peu ce que je suis, tu vois. Hein, je suis à la limite. Un bon jambon du Havre. Un bon jambon du Havre, je suis, tu vois, mais ça veut dire aussi, c'est le nom du premier singe à avoir été dans l'espace. Et j'espérais en fait quand j'ai écrit ce morceau d'être le premier de quelque chose, pas d'être le premier à arriver, mais peut-être celui qu'on mettra en avant pour un genre de musique, pourquoi pas, ou un certain genre de valeur à défendre. Et voilà pourquoi je l'ai appelé Âme. Donc ça n'a rien à voir avec le morceau. Oui, j'ai des petites références dedans de singes, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc voilà. Donc c'est le morceau Âme et c'est sur l'album Souffrance. Et c'est Brave l'invité de la Nocturne. À tous mes havrais, tous mes havraises, toutes mes havraises. L'album s'appelle Souffrance et c'est dans les bacs depuis bonne lundi. Nouvelle, c'est la crise, j'ai repris du service. Je suis venu mouiller ma chemise pour les faire mouiller leur slip. Qui suis-je? Tout le contraire des hippies. Si tu restes, si tu seras rest in peace. Qui t'a dit que Brave était fini? Y'a que pour briller que je suis au tapis. Si t'attends de moi un changement d'avis, ce serait plus simple de m'ôter la vie. Adouchalis, give me money. Prolétaire ne veut pas dire à bababri. Je n'ai pas ressorti de très ikaki pour en jouer. Est-ce que tu capiches? Premier solo, dernière chance. Je suis la cause et ses conséquences. Perturbé, c'est évident. Qui d'autre aime l'odeur de l'essence? Mon optimisme déchante. Amorce la descente de la pure méchanceté payante. Depuis que j'ai laissé mon sens de l'humour dans les créances. je comprends pas. C'est pourtant qu'à mon saut, déjà la concurrence flippe grave. Est-ce qu'il fait chaud, ça vient de moi. Je prends le monde de haut depuis que j'ai bloué sur la croix. Lorsqu'il est jaune, j'en pleure de joie. Ne soyez pas désolé car je ne le serai pas. Pourquoi vouloir être en haut, je me sens si bien en bas. Si je vous tourne le dos, c'est pour être premier. Réaffirme le leitmotiv, désordre et désobéit, sens civil. Je préfère être mille fois traité d'illuminé que de voir tous mes principes s'éclipser. Je n'échangerai pas ma devise par des devises de papier. Tu ferais mieux de prendre la fuite que mon avis. Objectif, sortir de la matrice. On ne vend pas la peau de l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord avec le prix. Mon passe-temps favori, frapper les lobbies, un oligarque versus l'oligarchie. Avis aux émotifs, non justice, non peace, non peace sans incendie. Payé en monnaie de singe normal, que l'on joue les mondes qui un tas de bananes du haut de mon arbre. J'attends de voir s'effondrer l'empire. Pire, pire que tout, je fais tout ça gratuit. Ce soir la lune est pleine, Goku ne veut pas me laisser dormir. Je comprends pas, c'est pourtant qu'à mon saut, déjà la concurrence flippe grave. Est-ce qu'il fait chaud, ça vient de moi. Je prends le monde de haut depuis que j'ai bloué sur la croix. Lorsqu'il est jaune, j'en pleure de joie. Ne soyez pas désolés car je ne le serai pas. Pourquoi vouloir être en haut, je me sens si bien en bas. Si je vous tourne le dos, c'est pour être premier. Lundi. Venez me donner de la force. Dean Records, Le Havre, hier. Souffrance. Nocturne avec Brave qui s'achève sur ce morceau à l'instant. Yes. Eh ben merci Brave d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Fred. Est-ce qu'il y a des dates à annoncer aussi, tu vas... Pour l'instant encore on est dans le booking. Donc n'hésitez pas à venir si les gens sont intéressés pour que je sois présent dans leur ville pour un show. On va essayer de maintenant créer tout un univers sur scène aussi. Donc ça prend un peu de temps, il faut que je retourne en répète. Mais n'hésitez pas à venir vous annoncer si vous voulez qu'on vienne chez vous. Après on sera sûrement ouais, il y aura une petite tournée tout ça. Actuellement il y a le clip qui vient de sortir donc hier avec la DA, ouais. Là prochainement on est en train de prévoir d'autres clips. Parce que ce qui est bien en indépendant, c'est qu'on peut clipper tout l'album si on veut. Maintenant, c'est vrai qu'il faut travailler. Comme je suis dans le graphisme, moi, mes clips, c'est le moindre coût, tu vois. Ouais. je fais tout ce que je veux. Tu fais tout. Ouais, exactement. Tu vois, j'appelle Florin. Allez, viens, on y va. On fonce. On fonce. Mais en tout cas, merci à toi de nous avoir reçus. Bah, vraiment, c'est toujours un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, Brave. Je et tu salues alors. L'équipe de Dean Record, évidemment. Ouais, il n'y a pas de problème. Grosse dédicace au. Il y a Julien, Balak. Je crois qu'il a très trouvé. Colle une rep. Grosse dédicace aux équipes. Non, c'est moi, je déconne. C'est une petite blague. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, grosse dédicace aux mecs de l'équipe. Alassane Konaté, Proof, Général, Dissé, John Sulo, Medine, Tiermond, Naïm. Faut pas que j'en oublie. T'es dans la merde là. Ouais, ça, tu t'es lancé dans un Florin truc. Florin de France qui nous a grave accompagné dernièrement. Par bon, écoute, à tous ces gens qui nous supportent. Vraiment, je voulais remercier les gens parce qu'aujourd'hui, on a un très bon retour sur l'album au moins. Et ça donne du courage. Vraiment, je pense qu'un artiste qui a du monde, qui a un vrai soutien du public, c'est la meilleure des choses. Donc, je voulais remercier les gens qui nous suivent. Et bah, si vous avez kiffé sur cet album, allez le prendre dès maintenant. Allez le prendre dès maintenant, pardon. Allez voir aussi Ron Renoir. Ah, mais non, mais toi, t'es dans une pente glissante, Julien. Complètement. Si t'oublies un mec, c'est l'équipe, c'est normal. Si t'oublies quelqu'un de l'équipe, c'est mort. C'est-à-dire, c'est fini pour toi. Ouais, c'était sympa de te rencontrer, en tout cas. Merci, Julien, d'avoir été avec nous. Merci, Brave, d'avoir été avec nous. L'album s'appelle Souffrance, je le disais. On peut le cliquer tout de suite, on peut l'avoir. On peut l'avoir sur iTunes, etc. Ou sinon, support physique, ceux qui aiment bien aussi le support physique. Oui, il y a le support physique, il est dispo en Fnac, donc allez-y, allez vous procurer. Sinon, allez l'écouter. Moi, en fait, je ne suis pas un mec qui va vendre comme ça, je ne suis pas un VRP, mais je demande juste aux gens, allez écouter. Allez écouter. Allez découvrir. Et je pense qu'on pourra s'entendre au niveau musical et je pense que vous allez kiffer. Vraiment, ouais. C'est pas pour faire le mec, mais. Là, on a eu un aperçu, mais c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres morceaux sur l'album et c'est bon de le préciser. Et d'ailleurs, par rapport au format physique, il y a pas mal de ruptures dans les Fnac de France parce qu'on n'avait pas prévu à cette quantité apparemment et ça on remercie les auditeurs pour ça. Donc du coup rabattez-vous sur Fnac.com ou iTunes etc, n'hésitez pas parce qu'il va y avoir quelques ruptures pendant quelques deux semaines, jours. 10 jours on va dire. Donc voilà, Souffrance, merci à toi Brave, merci beaucoup, et la Nocturne continue maintenant pendant une bonne heure. Ciao. La Planète Rap sur Skyrock. Nocturne. Allez, c'est reparti pour la Nocturne 100% rap français. C'était l'invité cette semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Alonso, album numéro 1 des ventes. On l'écoute avec Monsieur Gradure qui lui débarque le 23 février. Voici Brinks. Tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, comme tu sais pourquoi il pleut des douilles, tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, comme tu sais pourquoi je joue ton bouche. J'ai bourré cette cochonne, je me suis barré, puis et de l'acheter comme le port salut. Le futur de ton rap français, il est devant toi, il a fière allure. J'ai 23 piges, roule en grand gamos sur la route du 13 avec poteau à l'os. Négro, je suis droche, qui ton côté gauche, frappe dedans comme Robert ton Carlos. Ouais, tu sais pourquoi on veut des sous. Alors fils de pute, augmente mon cachet. Ne me force pas à arrêter le rap avant d'être ton fils la mort en sachet. Les putains de douilles dans le putain de chargeur. J't'allume ta mère, j't'allume ta soeur. Lui envoie c'est du shit, il a pas payé. J'ai vu sa mère pleurer devant le pasteur. Oh ouais, t'es dead, sale fils de pute, t'as voulu rock. Si tu me dois des sous, j'y arrête, cherche comme la frappe du rock, ma. Pop et Jégué, mon frère qui fait la street. Directeur, capitaine de la paix, meilleur tarot. T'as pas aussi vite que les gars en chaos. Demande pas pourquoi mes rebelles sont pas rois. Mais les tempêtes aux douaniers, aux inspecteurs. Accélère le moteur de ton putain bimeur. Nord, sud, est, ouest. Il pleut des douilles, pire qu'à Bucarest. Le nerf de la guerre, j'ai caissé les sourds. La fierté, ça couture, demande même un ciseau. Fais-y mitrailleur pour venger ton honneur. Comme un Marseille, on t'allume si t'es d'ailleurs. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je joue ton boule. Vas-y les gros, fais péter le camion bus. Ouais, fais le camion bus. Pense qu'il y a à prendre ce pays. Merde, on va pas se prendre dans tes muscles. Ouais, faut ramasser. La France est faut terrasser. 1 million, 2 millions, plus de museux, là y'en a pas assez. Voilà, je tire cache dans la foule. Sa mère la pute, lui qui vient se mêler. Je fais la sieste avec la cagoule. Pour m'endormir, je compte les violer. Quartier Nord, c'est plus chaud que l'Amérique. Autant de shit que le pays a gué. Je compose plus de numéros des gros que de numéros de fous. Marche ou crève, de 80 autour du soleil sans ouvreuse. J'ai dit à ma mère que je revenais, donc nique le barrage à la sulfateuse. On est ensemble, ça dépend pourquoi. Transaction, prise de pouvoir. Ma passeuse revient de Kinshasa, Charles de Gaulle, Boubou, Terminal A. Tu sais pourquoi on fait des sous. Tu sais pourquoi elles aiment les youths. On nique l'argent, distribue des pêches. En showcase, y'a bagarre dans la foule. Sur le terrain avant que le soleil se lève. Des rappeurs cheminots font la grève. On fait du sale quand tout est nickel. Taille S, on allume les triple XL. Oh, je demande si ça va en vrai. Je m'en bats les couilles. Tu là pour regarder tes sous. Mais avant ça, viens boire un coup. J'ai R, A, dur, Valente. C'est de la friture. 2G, 0, 9, pur. 2G sur la scène. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton boule. Vas-y les gros, fais péter le camion bus. Ouais, fais le camion bus. Pense qu'il y a à prendre ce pays. Merde, on va pas se prendre dans tes muscles. Ouais, faut ramasser. La France est faut terrasser. 1 million, 2 millions, plus de muse, là y'en a pas assez. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Chiquet.

Le son de Lino avec Doku, faute de français. Il y aura l'équipe de malade aussi, E2M à découvrir dans la nocturne. Et puis Ice Lemsi qui nous a livré en exclu cette semaine dans Planète Rap son morceau Pyramide. On va l'écouter maintenant. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Ice Lemsi bientôt dans les bacs. Mars-avril, l'album. Miroir, miroir, t'es mon pire ennemi. Ah, je suis dans la pyramide. Une décennie, t'es sous la chrysalide. Je prends le trône d'un air tyrannique, d'un rire ironique. Miroir, miroir, t'es mon pire ennemi. Ah, je suis dans la pyramide. Je n'ai que de l'ignorance pour te si malgré. C'est pas ta mère qui me rendra visite au parloir. Je suis dans le gamos avec Galoga, c'est malé. Je fais du dirty, je manie le dirty comme un dirty Chirac. Tous mes petits savent danser le coupé détaillé. Retrousse tes manches à ton âge, t'es bon car à battre. Mon pote sous m'appelle d'un palais. Dans vos trois pétailles s'en abattent. Terra, terra, ton métier, j'ai la pour aller. Litron de frappe sur le piano. Je vends du rêve au Samaritain sous l'halo. Des réverbères avec une malichrona de Mexicano. Mental rocher pico, si gère bien les cailloux. Je dirige triangle d'or comme un véritable noyau. Tout c'est possible qu'on tourne autour du noyau. Si je suis meilleur que toi, c'est que je m'en suis donné les moyens. Hold up, t'es max 530, nul ne me voit arriver. Plus fiable que l'amitié, entouré de grands ours, brille plus que Galilée. J'arrive sur scène, pff, Johnny Hallyday. Une décennie, c'est sous la chrysalide. Je prends le trône d'un air tyrannique. Miroir, miroir, t'es mon pire ennemi. Ah, je suis dans la pyramide. Une décennie, c'est sous la chrysalide. Prends le trône d'un air tyrannique, d'un rire ironique. Miroir, miroir, t'es mon pire ennemi. Ice Lemsi dans la pyramide. Ils confondent le triangle d'or et celui des Bermudes. Je te vise depuis l'angle mort en direct de la berline. Bilan d'araignée inachevé, mon ambition perdue. Ils disent que le triangle d'or, on les réveille en pleine nuit. Le petit prince de la capitale est de sortie chez Capitole. Allez, nique ta mère, toi, t'es poussé vatos. On se demande pas si vous courez plus vite que nos bastos. On rachète ta fierté, ta bétail, ton gamos. C'est le monde à dans la bande d'état, dans la bande de salade, c'est la zone. Pour les profanés, tous les condamnés, que la proie que jetée dans le zoo. Toujours affamé, c'est la vie d'Aloca, Dolce Vita m'illusionne. Qui te rafale, c'est la calache humaine à la tête du réseau. J'ai des marques sur le corps, balafre sur le crâne, initial sur le graal, je les narque sur le score. Petit prince de Panama, l'obscur état d'âme, leurs projets exécrables, c'est feignant major. Si, si, si, je pète la forme, si, si, si, sur la force, 6h6, si, ça t'importe, fixé sur ta tombe, t'es fixé sur ton sort, jalousé, tu t'en sors, je dérange comme le cancer, seul depuis le sous-sol. Je leur fous le seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol. J'accède au succès via la grande porte avec ma clé de sol. On m'a jeté dans le ghetto mino, je n'avais ni marque, ni repère, ni boussole. Je leur fous le seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol. Ils ont seum, je me suis fait solo depuis le sous-sol. Insouciant, je me suis fait solo depuis le sous-sol. Clé de sol, quelques kilogrammes de seum, je me suis fait solo. Ils ont seum, je me suis fait tout seul depuis le sous-sol. T'es le mandané dans la bande d'état, dans la bande de cela, c'est la zone. Pour les flafanés, tous les condamnés, que la proie que jetée dans le zoo. Toujours affamé, c'est la vie d'Aloca, Dolce Vita m'illusionne. Qui te rafale, c'est la calache humaine à la tête du réseau. Planète Rap 100% rap français. C'est la guerre. Bada. Équipe de malade. Je suis SFR, je parle qu'avec des beurettes. Faut que je prenne une puce orange. Dans tous les sens, j'ai acheté mon globe dans un labyrinthe. Je parle pas aux animaux, nique les boulets, nique les de la jeune. Allemandez la voiture, allemandez la voiture. J'ai fouet, remets-nous des matchs. Génial, dans ce nu, dans leur clip avec leur gros nombril. On dirait qu'ils ont les bons là, c'est un fond là, sont trop chiffres. Wesh, nigga, qui veut test? Je vais tellement les défoncer qui se reposer, j'y fallait, qui le test? J'ai la dalle, je me régale. Je fais du sale et je détale. C'est la punchline et d'un poil. Je suis le roi du Portugal. Tu m'as appelé à bon. J'ai pas rêve à bon. J'étais avec une bebon. J'ai mis mon tel en mode avion. Nouveau tel résidu Mercure Clarion. Je

rappe comme le pilon marocain. Les rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Je roule sur la marge, je vis en parenthèse. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, puis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus. Ou la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, c'est tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Des points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de bouc émissaire. Un retour à Babel, t'en passes trop vite, j'écris. Conflit de civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui adore. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. Saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Solitude plurielle, dans ces métropoles jumelles. À trop grailler le gravier, on oublie le goût du miel. Vision d'un monde, couleur touche de clavier. La mélodie sonne faux, comme tout ce qui sort de leur bouche. Ça sent le fauve, sans le pavé de mon enfance. On était blanc, noir, arabe, c'est pas que j'insiste. Dès le bac à sable, l'histoire commence comme une blague raciste. Nos vies se conjuguent, les cultures s'entrechoquent. On juge, on enterre le passé, au futur, ce que chantent les chocs. Et Marianne Radur, nos thèses. Moi j'ai l'impression que nos raps sont des pansements sur une prothèse. La température grimpe, la justice fait tapisserie. On est passé, touche pas mon pote, à Islam et pâtisserie. Derrière les murs, entre guillemets, tu comptes les points de suspension. Pareil qu'à ça t'es prédestiné, vu tes origines sous tension. Chaute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame, corriger les fautes de français. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas, on se connaît pas. M'entends-tu quand je te parle? Me suis-tu quand je pars? Me ressens-tu quand je te parle? Me vois-tu malgré l'écart? Y'a tellement de fautes de français qu'on a du mal à se comprendre. Séparé par la virgule, comment veux-tu qu'on s'entende? L'écriture du manchot, c'est écrire entre les lignes. Apparence entre parenthèses quand l'on crie et se vit. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas, on se connaît pas. C'est la Nocturne 100% rap français. Quel morceau celui-ci, hein? Lino avec Doku dans la Nocturne sur Skyrock. On continue, le son de Dandy Gale. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. tout seul sur ce morceau. Il y a Busta Flex, il y a Ol' Kinry. C'est extrait du projet de Dandy Gale. Ça graille dans les bacs déjà. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Eh eh eh. 2015. My man Ol' Kinry, moi-même Black Meno. B-E-S-T-A. Ah. Demande pas, te pose pas de questions. Oh. Demande pas, te pose pas de questions. Ok. Demande pas, te pose pas de questions. Oh. Demande pas, te pose pas de questions. Ah. Il ne s'agit que de ça. Oh. Il ne s'agit que de ça. Ah. Il ne s'agit oh. que de ça. Dans hey, quel temps il blesse ça. Le flow est travaillé, tu vas kiffer la rime. On est venu grailler, je m'enlèche les babines. Dans le rap, toujours garé, un pro dans ton parking. Busta et Diff, c'est plus qu'un featuring. Collaboration sur, j'prends le bénéf. On veut de la rotation sur bande FM. Genre célèbre, je me prends au sérieux. En rigolant, fignolant, mon CD se vend et j'aime. Proche de nos groupies, Belek, ta sister. Grand et tout petit, Tyron Lannister. L'ambiance est pourrie, mais on arrive, frère. Je veux pas les soucis, mais c'est qu'à JR. Pas de mystère, pour chaque session, c'est quoi le délire. Basque et Xner, nous apprécions. Moi je les chiens, les rois qui hibernent, tous à pression, je les vois faiblir. Vas-y frère, pose pas de questions, fais-toi plaisir. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Yeah. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Comment? Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Dans quel genre j'ai mon fusil sur moi, Daddy Harry, Don Miguel. Là c'est usé sur toi, Ol' Kinry, Dandy Gale. C'est pas fini pour toi, triple peiné. Les gars de ma gêné, rassure mon diflex. Elle est belle alors te pose pas de questions. Des boules sur le beat comme un espion. Champion, montre-lui ton level. J'ai des classiques chic dans mon placard. Bébé, si t'es en retard, bébé, c'est que tu connais pas mon histoire, bébé. Aïe, B-E-S-T-A. J'ai le 83, t'as tout sur le neck. Tu l'as pas coqué, mais j'ai coqué ta mise. Flow pour les caisses et les discothèques. Alors, te pose pas trop de questions. Te pose pas trop question, c'est 0, 1, 5, check, mon 5. Dans des gueules, old flex, dans tes enceintes. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Dans des gueules, old flex. Il ne s'agit vraiment que de ça, criminel et gangsta. Nouvel impact, c'est nous les cracks, nous les restas. N'est-ce pas, négro fragile, le Renoir laisse bas. T'es pas, ou tes narines cassent mes skateboards. Toujours insensible à leur messe basse. J'ai les doggings, je ne les baisse pas. Crie-moi dans le club avec des SK. MC, va me chercher une SK. Book deep, respecté, cerveau pété. J'débarque dans ta street avec une épée. Coup de CP dans le game, tout est dans le sling. J'ai 7-8 groupies dans mes jeans. Avec le même groupe qu'avant, tous ces plus baves. J'ai les épates avec mon moonwalk en avant. T'en es combien dans ma tête, combien j'ai de vestons. Kiffe seulement, te pose pas la question. Demande pas, te pose pas de question. Demande pas, te pose pas de question. Demande pas, te pose pas de question. Demande pas, te pose pas de question. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. Dandy Gale, Ol' Kinry, Busta. Oui. Il ne s'agit que de ça. Te pose pas la question. Dandy Gale, yo, Black Phenom. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Demande pas, te pose pas de questions. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens. J'fais du sale, mais j'ai plus la rage. Y'a ton ADN, t'en prends putain sous mes URH. Mélange de Yen et de Suleiman. Je ne serai pas à la cathédrale, j'suis toujours sous les balles. Tu cherches ta salope, elle est sous mes hanches. Avec ta maternelle, j'ai toutes mes chances. Et ton pour multiples incohérences. Sale type, je n'ai que très peu de tolérance.

S-E-V-R-A-N. S-E. Pourcent rap français, planète. La nocturne. Ramsty dans la nocturne. Bonjour sur les autres. Réponse. Tu vas. Giclé dans la gueule, comment y voir plus clair, clair. Achète-toi un magnum, c'était en manque de fer, fer. On fait du liquide pour boire la bise de Shaitan. L'enfer dans un verre, verre. J'ai cassé la marche arrière, hier. J'attends pas le feu vert, vert. J'ai la rue en fit, fit. Ils ont salé leur slip, slip. Mon rap c'est pour les KRA. Tu parles pas au Schmitt, Schmitt. T'es noyé sur les factures. J'ai écoulé les litres, litres. Comment donner de l'amour quand l'état nous nique, nique. À force de trop parler, parler. Ils font crever la bouche ouverte. J'fais tout soulever cette année, cette année. Parfois la limite et les pertes. Bretline sur le poignet, poignet. Les diamants noirs ça vaut du fer. J'suis pas là pour te parler, parler. J'suis là pour te faire. J'suis à bord du mur de Berlin, Berlin. Elle fait du bruit cette grosse tape, tape. Ça sent la peu dans le 3 litres. Va bien me toucher la gueule, j'suis pas un lapin, lapin. La résine a fait mon butin, butin. Et pardon, mais c'est des putains, putain. J'viens de la rue, j'ai pas trop d'ennemis. De toute façon, j'vais pas me salir les mains, les mains. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W- Je ne suis pas un perroquet, un perroquet. J'ai pas les mêmes crocs. J'ai bouffé la rue avant de perdre mes dents de lait. Mes dents de lait. Le canon est chaud. La haine est toujours là, même si je finis au frais. Finis au frais. J'ai mal au dos. Je suis pas à l'aise dans ces putains de chaises maquées. MC Diox dans la nocturne. Je décapote et je décapite, me parle pas de concurrent, je suis mon propre rival. Des années dans la même course, pas même arc, connard, j'aimerais bien voir qui arrivera. On baisse le game en brochette avec CRK, Raph main loin sans s'y être approché. J'ai galéré tout seul dans ma tête et dans la tête. Ça réfléchit à faire de la presse pour financer mes projets. Tes vis, on va te les visser. Le diable me laisse moi-même pour aller pisser. Je connais des chinois, blanc, blanc, blanc et nègre qui s'en foutent d'être pistés. J'ai pas attendu le regard des gens dans ma vie pour savoir si j'allais le faire. Je me suis toujours demandé si je te niquais ta mère, qu'il voulait en faire à l'effraie. Imbattable bâtard, la frappe d'albateur, MC Dox laboratoire, des capotes, des capites, de lyrique, un carnage au projet, je résiste, bang, j'envoie des rafales. Brain et Bruce reconnaissent dans la street d'air pour se donner de la support. Mais fais confiance à personne, mon gars Blaze m'a dit donc je redouble d'efforts. J'ai fait le tour de la souffrance, du shit dans les yokus, je suis paré pour ses fonds, je paierai sans effort. Parisien pas ses francs, baisse ceux qui se prétendent être meilleurs, moi je les baisse sans effort. Négro, forme ceux qui vont décéder, leur carrière vont décéder. Y'a pas que le passage pour 2015, y'a ta place bitch qui faut céder. Avant c'était, entre rappeurs on va céder. Maintenant sans buzz, sans pute, sans beat, t'es plus artiste, t'es qu'un PD. Je connais mes principes et mes valeurs, je pourrais pas les troquer même si tu vaux de l'or. J'ai rappé sur Rafi Mutang et lui pour te dire qu'on me prenait pour un vaurien. Les gens me disent Jokes tu dates, t'as pas encore percé enfoiré. Je leur réponds que je suis là, Dieu est avec moi cette fois donc ça ne va pas foirer. J'ai le fond et la forme, envoie-moi juste une instru et je dégaine. Une rap pas trop corsée sous whisky, rhum pilon, vodka et je dégueule. J'paierai depuis 2002, je sarcelle, STBIM, Viltaneuse derrière WAM. J'ai pas attendu la trap musique pour montrer mes talents, ces petites ou grosses karma. Casquette RDC, t-shirt, top shit, Armani, skateboard. Le buzz c'est pas le bonheur, je suis sûr qu'un zizi, ma fierté ne s'achète pas. Des capotes, des capites, des capotes, des capites. Lyrique, un carnage, la première page ouverte du livre, je résiste le deuxième chapitre. J'ai pas attendu la trap musique pour corriger ces petites ou grosses karma. Le buzz c'est pas le bonheur, je suis sûr qu'un zizi, ma fierté ne s'achète pas. Fuck, pitchy. Wesh, ne dure. Pierre qu'à la prod. Laboratoire, vert. Fuck off. Décapote. Planète Rap 100% Rap France. LTW, Villeneuve La Garenne, VLT, L2C. On dit ça bouge pas, c'est juste nous qui faisons du surplace. Un coup de chat serait bienvenu au milieu de sépulcras. Une pushka sur l'avenue, comme d'hab on se couche tard. Tous partent du mauvais pied, un peu comme un cul de chat. Pas de Gucci mais j'ai la dégaine. Rendez-vous ici, elles veulent se faire belle. La passe de Sissi à base de Nken. J'suis à la tessie, j'm'en pète de cette pièce. J'ai du bif à faire, des textes à gratter. Lascar à voir qu'à l'âge Tom est malé. Fille de quartier dans une ville de tarté où n'importe qui peut se faire affaler. Merde, Valentin c'est bang bang story. Très très torride, on est des terres promis. Cesse ses bolides, fier au chromis. Pour la money, prêt à faire une folie. Eh vas-y, reste poli. Quand tu vois slow and beau, y'a du bédo gravé, des vrais nombos. Y'a des tarpés dans la cave, mais quand t'allumes en rafale avec une main, si t'es chaud, demande à Tomso. On va vous domso. Quel détasse, mon gars Omso. J'suis désolé, mais faut des PC. C'est assez si y'a plus de ronds, et bah dans le zoo. Elles iront faire des pas, c'est qu'une affaire de cash. Y'a pas de scrupules, avant le H et le crépuscule. J'connais des gars un peu minuscules. J'y les barbares en dessous du pull. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Alors c'est quoi la suite? Soit on se démène pour savoir à qui la faute. On s'enfonce ou on prend la fuite. Ou alors on prend la fraîche et la tête de l'affiche. Mais surtout baisse pas les bras si c'est cramé là où t'habites. Je serai sans pitié avec les deux traits. Pécho de la C, fais-toi deux traits. On est tombé dans l'alcool, même dans la drogue. Tous les jours on vit avec les regrets. Tous mes frères dans le gamma sont fêlés. Armes de guerre et des grammes sous scellés. Barres de fer, craques de merde, passe de l'herbe. Je crois que je vais les mêler. Bientôt une semaine que j'ai pas vu le jour. Ça met des patates et ça casse du genou. Guise l'imbattable, fuck les bâtards. Puissant comme le Qatar, le départ du coup. Je dans les caves du zoo. Faut mieux reculer, un gueuler ça va vite. Mandat sous l'eau, je connais pas la panique. Va te faire enculer. Toujours dans le ghetto, ça cherche pas de boulot. Nique sa mère, mes gars sont bourrés. Des petites affaires, des agas à foufler. La 6, la 7 pour un patate couplet. Mais les flics m'arrêtent et ils veulent pas me louper. Fils de pute de Condé. C'est la guerre jusqu'à la mort. On a dû cacher de la drogue. On laissera rentrer que les pompiers. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu tu enfiles, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. J'fais que les plombés, j'sais que t'es con qui grandit dans les ghettos et dans les pièces de conflit. Fallait se lever tôt, on bicrave le bédo. Répondre à la demande de tous ces junks, c'est pas cool les funky. J'en ai bavé des nuits blanches, tous de sortie. Veux taffer en freelance, look de rurty, blues de leur diac, des cahiers de fous qui font tout et en silence. W, ça bosse comme des dingos. Ouais, ego, faut des porches et des lingots. Ouais, ego, faut des porches et des lingots. Ouais, qui se m'en foque les poires et les impôts. Non, t'as pas compris, j'en veux pas ton shit, j'en veux pas ton bis, j'en veux pas ta carotte, j'en veux pas ton fit, j'en veux pas tes salopes, j'en veux pas ton smith. Moi, je vise la cagnotte. Je viens du 9-2, mais je sais que partout c'est la même. Là, je trouve que la Z, t'as fou, c'est ta caisse. Le choix est dur, mais crois-moi, faut en faire. Sans oublier tes cassures en R5 ou en R1. J'espère toujours m'en sortir, mais je sais que ça sent pas bon. Et plus le temps passe, plus je me demande si en enfer, pour chicher, j'aurais besoin de charbon. Je comprends pas le parallèle, je m'en bats les couilles, tu peux cracher depuis la ceinture de mon père, je ne sens pas les coups. Les frères sont à l'écoute, je me rends compte que le game ça dégoûte, je fais ça pour la découpe, le bif, puis salam alaikum. À la limite, les clips, les clics et les fans, ça c'est cool. La diff entre le disque et le shit, et que le shit ça c'est cool. Vivre comme un lion, mourir comme un lion, ou vivre selon les lois d'un roi et crever comme un pigeon. Grandir à l'état sauvage et tomber dans le sillon de la rage pour t'imager, c'est Marianne tirée par le chignon. Je voulais devenir un grand. Pesé comme un grand, je voyais la vie en grand, mais elle m'a pesé comme un clan. Du coup, j'ai chillé comme un clan, c'est passé sous le nez. On m'a dit frère, c'est maintenant ou jamais, ça m'a saoulé. J'ai pris du fric, j'ai coulé, j'suis remonté par tous les moyens du bord. Ma vie, un château de tape voie à s'écrouler. J'ai évolué saoulé, cris des mères en pleurs, des gyrophares, des centassistes, du maté, fils de pute de poulet. Pas venu me donner un genre, non, me faire aimer des gens, non. Te raconter de la merde pour me rendre un peu plus méchant, non. Les MC vous la mettre, croyez pas leur vécu, ce sont des jeunes mômes. Arrêtez avec leurs punchlines, ce sont des jeux de mots. Tout part en couille dans cette Yves. Dieu a créé Adam et Ève. Et là Adam veut se marier avec Yves. Le cœur à la dérive, je nage un crawl à contre-courant. À ce qui paraît, l'espoir fait vivre, jamais senti si mourant. Me parlez pas d'amour, mais de cycleurs, je suis en comptable. Comprendre une meuf, autant vouloir faire jouir une poupée gonflable. Les casse, les gopas, pour ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Sans m'aggraver, j'ai rien d'autre comme phase. Je suis pas à l'aise dans mes shoes, à l'étroit, sur mon parcours un tas de bouse. Comment veux-tu aller droit? Pas d'accord avec tes lois. Peu d'alliés avec moi, dans le cœur il reste des traces. Mais je me demande si ça se nettoie. Avant, j'étais jeune et con. Là, je fais tout pour rester jeune, c'est un peu con. Paranoïaque, insomniaque, échangerai matelas de plumes contre un sommeil de plomb. Facile de se faire des amis, les conserver c'est rude. Crois pas avoir les clés de mon cœur, j'ai changé la serrure. Isolé dans une cellule, je ressens seulement ses battements. Je le protège, t'inquiète pas, man. Au-delà de ça, c'est nul. C'est très dur de se mettre à nu, à croire que je suis devenu pudique. Plus simple devant une schneck, par contre, je flippe devant mon public. Public. Comme une femme, on se méfie d'elle. Je garde mon amour propre, c'est le seul qui me soit fidèle. Ma plume et mon amertume vivent une parfaite idylle. Les vrais ne disent pas ce qu'ils font, les faux ne font pas ce qu'ils disent. Tout est question d'image, de répute ma gueule. Qui a le plus abusé de casque, le PDG de Nike ou notre crété Michael? Ouais. Les mauvaises graines pourries déplorent les petites fleurs. Et on s'insulte comme si toutes nos mères étaient mères à Stifler. Et tous ces nouveaux potes qui me portent l'estime. Ils disent qu'ils me kiffent sur le qui-vive, j'esquive. Dis-moi c'est qui, je sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent. Je préfère être pessimiste qu'un aigri. Content de prendre du poids depuis que je sais que les jaloux ont maigri. Venin dans leurs éloges, qu'on bat de vérité dans mes écrits. Est-ce que je mérite leur médisance ou mépris? Mais non, je m'en fous, mais ça fait très mal, très vrai. J'évolue dans ma bulle et c'est une Air Max crevée. On garde le smile, l'avenir n'est pas très convaincant. Serre les dents comme un grand, espère un futur meilleur, comme un clan. Jester et mélancolie à l'instant. Monsieur Sams, qu'on dédicace dans la nocturne. À venir aussi dans la nocturne, 100% rap français dossé, et puis on va pas tarder à tirer le temps aussi.

100% plus lyrique. Planète Rap. Moi je suis saucé. Ok. Moi je suis saucé. Ok. Ils veulent me plomber, mais faut qu'ils sachent tous que moi je suis saucé. Récolte ce qu'on fait, je n'ai calibré, tu vas te faire crosser. MC, je rappe trop bien, boy. Ils croient tous que moi je suis dopé. Ta vie vaut combien pour un boublier, tu vas le faire sauter. J'écoute 8, 0, 13, 77, 93. Tout le monde guette, moi je suis à l'aise. Une course poursuite, des plus de vitesse. Conseil pas venir dans la tête. Je suis calibré à ton adresse. La concu d'aide et je suis plaise. Ils font du rap de synthèse. Boy c'est trop, en faut des tonnes mais boy c'est trop. Ils font tous les beaux, se prennent pour des ouf mais ils se portent à faux. Ils se portent à faux, toujours critique sur tous mes défauts. Melanor, Akezo, Eto, satire ici, bienvenue dans mon ghetto. On vient tout grailler boy, mes renois sont calachés, calachés. On vient tout signer boy, et le but c'est d'arracher, d'arracher. Seul comme un cowboy, les bang bang t'as balisé, balisé. Seul comme un cowboy, esquive la voiture banalisée. On vient tout grailler boy, mes renois sont calachés, calachés. On vient tout signer boy, et le but c'est d'arracher, d'arracher. Seul comme un cowboy, les bang bang t'as balisé, balisé. Seul comme un cowboy, esquive la voiture banalisée. J'suis calibré, on m'a validé. La rue veut prendre son dû, boy c'est salité. Pour nos familles paix, pour nos ennemis c'est bang bang sans impunité. Dans la violence va l'initier. On n'a pas de fils, pas d'affinité. Surveille ta fille, son intimité. Les chacals vont la filocher. Il sera trop tard pour abibocher. Ils sont au top mais sont nuls lâchés. Tout est sous, tu vas nous cracher. Pour les peuler, les soniquer. Les braquards, les sauteurs tourniquets. Tourniquets, tourniquets. Tourniquets, je suis proliqué. Cœur de glace, je suis assaut piqué. Tous ils se fâchent, tous ils sont piqués. Tous ils sont piqués. Fume un policier. Tout sort le briquet. Tous alcoolisés. On vient tout grailler boy, mes renois sont calachés, calachés. On vient tout saigner boy, et le but c'est d'arracher, d'arracher. Seul comme un cowboy, les bang bang t'as balisé, balisé. Seul comme un cowboy, esquive la voiture banalisée. On vient tout grailler boy, mes renois sont calachés, calachés. On vient tout saigner boy, et le but c'est d'arracher, d'arracher. Seul comme un cowboy, les bang bang t'as balisé, balisé. Seul comme un cowboy, esquive la voiture banalisée. Nocturne à l'instant avec Papis Broliqué. C'est pour conclure cette nocturne 100% à France. Et une nocturne qui reviendra évidemment la semaine prochaine, à pas louper, juste après Difool comme chaque vendredi. Et dès lundi 20h-21h, loupez pas non plus le Planète Rap avec Blacko qui débarque. Blacko, ex-voix mythique des Snipers, en solo désormais. On l'écoutera tous les soirs entre 20 et 21 sur Skyrock. Passez une bonne nuit. Le son continue, fabuleux au contrôle comme d'hab, toujours bien posé avec le son de Skyrock. Rap R&B en non-stop. Et on se retrouve dès lundi, bon week-end, ciao. Skyrock, Skyrock, rap R&B, non-stop.